Street Dangerous. Well, this is Zionel and Wanox Patong. Select a Marwan. Hello, hello. Wafone number one. Philosophic sound. Chile, girl. Marijuana. Propel flu rouge et les bonnes Marijuana. A tout mec à Jabba qui se défonce le crâne. Elle est bonne et je plane. Et de la Marijuana. Marijuana. Propel flu rouge et les bonnes Marijuana. A tout mec à Jabba qui se défonce le crâne. Elle est bonne mais je plane. Et de la Marijuana. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, personne ne peut m'empêcher de fumer mon split. Alors qu'on voit ce qui se passe, y'a que je me demande de faire mon split. J'kiffe Marie-Jeanne, H24, je l'ai donné le gratte, je pars à ta man, je m'en ai marouane. Marouille de l'époque, le calme est pour à ta man. Juste pour un stick man, Babylone me sanctionne, ce n'est pas logique man. Je deviens électrique man, car je fume ma weed comme philosophique son. Peu en peu les big son, et les big joints dans tous les big son. Philosophique son, c'est l'état marouane. Aïnel, nous venez killer les big son. Marijuana. Propel flou rouge et les bonnes Marijuana. A tout mec à Jamel qui se défonce le crâne. Elle est bonne mais je plane. C'est de la Marijuana. Marijuana. Propel flou rouge et les bonnes Marijuana. A tout mec à Jamel qui se défonce le crâne. Elle est bonne mais je plane. C'est de la Marijuana. Ca roule, ca brûle, ca fumé. Le fumé, ca fumé, mes idées. C'est vraiment coupé, mais avancer. Vous sentez nous pas la bouffe, manger. Alors, ouais, mais marijuana. Il est douce, il est tombé à goucha. Les mains fumées, toujours aya. Même si on paye, y'a pas jamais contre aya. Nous ca fumé, aya, fumé shit. Zeb la faire entrer, nous ca brûler shit. Fuck de shit, voyant c'est zeb et shit. Tout soit qu'à prendre la fête, je peux prendre la fête. My friend, si on courait vite. Parce qu'un carotta, y'a plus. Plus les mix dans la carotte. L'entrée d'état, le monde tire en parodie. Marijuana. Propel flou rouge et les bonnes Marijuana. A tout mec à Jamal qui se défonce le crâne. Elle est bonne et je plane. Et de la Marijuana. Le Marijuana. Propel flou rouge et les bonnes Marijuana. A tout mec à Jamal qui se défonce le crâne. Elle est bonne et je plane. Et de la Marijuana. Aïe aïe aïe. Street and the Wolf. Elle est belle la Marijuana. Elle est bonne. On le fume en plage. Marijuana. Propel flou rouge, elle est bonne Marijuana. A tout mec à Jamal qui se défonce le crâne. Elle est bonne mais je plane. Vite la Marijuana.